Swag, swag on. Swag, swag on. Swag, swag on. Swag, swag on. Swag, swag on. Swag, swag on. Swag, swag on. Swag. Swag. Et tu es ma fantaisie, laisse-moi prendre ta fantaisie. Choco, oui, te rend crazy, te rend crazy, te rend crazy. Crazy comme ma grosse régime, j'étanche pas ta charge, ta vie. Choco fait sa propre cuisine, de quoi pêcher les babines. Choco, super héros, je transforme pour toi en gros gigolo. J'ai la force de Sangoku avec la bite de Piccolo. J'ai ramené du mur, je t'aimerai toute la nuit, bitch, you know. Prépare-toi la soto, je vais baiser ton fruit, bitch, you know. Chronomètre enclenché, 1, 2, 3. Vagin, tu veux partir? Que je suis déjà rentré en toi, t'as en train de te suffater. Petit bitch, retourne-toi, montre-moi ce cul parfait. Balance-le-moi, balance-le-moi. Pendant que je suis en train de le tarter. Biscuit trop ton corps, hein. Je prends trop hardcore, hein. J'en oublie 72 verses que me promettait le corps, hein. T'es ma nappe de pétrole pour te trouver pour vieux fort, hein. Comme lui, c'est Keko, comme moi aussi, j'ai la patate de fort, hein. Ta mouille couille comme le Nil, tu es mon happy meal. Je l'ai. Je broute, car ce soir je te kill. Allons-y, donne-moi ton boule. Ah, moi tu préfères ta moule. Choco plein s'en fout. L'important c'est bien que le sang coule. Hardcore, je te donne 5. Hardcore, je te donne 5. Si tu kiffes ma vibe, girl, et kiffe mi-five. Choco est trop fort, mesdames. Matin, midi et soir, on prescrit. Hardcore, je te donne 5. Hardcore. Je te donne 5. Si tu kiffes ma vibe, girl, et give me five. Choco est trop fort, mi-temps, matin, midi et soir, on prescrit. Je peux être la médecine du moment que t'es flexible. J'apprécie le style de meuf qui provoque l'apoplexie. Appelle-moi chez Kilonika, je pète ton plexiglas. Tu veux être dans mon clip? Bah, viens que je te pète sans trace. Je suis pas marié, non pas avant, tu demandes grâce. J'ai maintenant encore moins de temps que j'en ai mis pour que tu m'embrasses. Je connais les filles comme toi qui adorent les défis comme moi. T'adores les rappeurs, bah moi j'aime les tasses comme toi. On est fait pour se calibrer, ok je te l'accorde. Maintenant c'est l'heure de te faire niquer, m'en veux pas si ça porte. Passe direct à l'abordage, j'ai même ramené les cordages. Car c'est vrai que je dois avouer que je suis fan du pontage. Choco, et vu te prendre comme sur le mic émissé. Un peu comme ça que j'expérimente, toi jamais missé. J'aime quand je me promène au fond de ton intimité. Vite à tout ça commence dire que tu t'es vite enniqué. T'es qu'une tâche, donc je te donne ce que tu dois avoir. J'en ai beaucoup pour toi, prépare bien le bavoir. Choco Bendix, c'est pas le moment de faire le parloir. Il faut que tu kiffes ce moment intense, te fais pas voir. Je te donne 5, hardcore. Je te donne 5. Si tu kiffes ma vibe, girl, et give me five. Choco est trop fort, mais ta matin, midi et soir, on prescrit hardcore. Je te donne 5, hardcore. Je te donne 5. Si tu kiffes ma vibe, girl, et give me five. Choco est trop fort, mais ta matin, midi et soir, on prescrit. Prescrit. Proche cru. Swag.